Le plan astral, avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Le plan astral est une structure d'énergie qui englobe la Terre et sa périphérie. Elle a été créée suite à la descente d'âmes dans la matière qui se sont incarnées sur cette planète. En agissant ainsi, elles ont été amenées à perdre contact avec leur contrepartie cosmique, leur esprit. À mesure que leur psyché se liait à la conscience planétaire et que leur taux vibratoire a été abaissé. Donc, elles ont perdu leur lien avec le plan mental dont elles sont issues à l'origine, où réside leur esprit. Ainsi, le plan mental existait avant le plan astral. Le plan astral a été créé, entre autres, pour répondre aux besoins des âmes qui se sont incarnées sur Terre et qui ne pouvaient plus retourner sur le plan mental une fois qu'elles ne résidaient plus dans les corps physiques qu'elles ont incarnés, car leur taux vibratoire n'était pas suffisamment élevé pour y accéder. Elles étaient alors devenues inconscientes de leur contrepartie cosmique. Le plan astral a servi de lieu de repos pour elles avant de retourner éventuellement dans la matière en vue de poursuivre leur évolution pour devenir aptes à reprendre contact avec leur esprit se trouvant sur le plan mental. Le processus de la descente de l'âme dans la matière s'appelle l'involution et celui de sa reprise de contact avec sa source, son esprit, se nomme l'évolution. Ce dernier est enclenché lorsque l'esprit juge que l'âme a développé une structure énergétique suffisamment solide pour être capable de soutenir la présence d'un contact conscient avec lui sans devenir dysfonctionnel. La perte de contact de l'âme avec l'esprit est généralement le résultat du développement d'un ego planétaire opaque qui la lie au plan astral. Ce dernier lui confère une identité planétaire différente de celle cosmique. Cet ego astralisé va être lié psychiquement à une conscience collective qui est issue d'êtres qui se sont appropriés, par orgueil, le droit de gérer la planète indépendamment des êtres du plan mental. Donc, plus que l'âme devient englobée par la conscience planétaire et plus elle perd contact avec celle d'origine cosmique. Cette situation a eu pour utilité d'amener l'âme à développer rapidement sa maîtrise du corps physique. L'âme n'ayant plus le support du lien télépathique avec l'esprit pour aller chercher de l'information, pour cerner la réalité, elle devait alors développer les sens physiques, goût, odorat, ouïe, toucher et la vue. Donc, elle devait développer les sens du corps qu'elle habite pour cerner la réalité. Ainsi, en étant privée de quelque chose qu'elle avait, l'âme a été obligée de développer autre chose. Une fois que l'âme aura bien maîtrisé le corps physique au fil des incarnations, elle sera alors prête à être remise en contact avec l'esprit. Le but de l'esprit est d'amener l'âme éventuellement à être capable de gérer adéquatement la vie dans un corps physique et de reprendre contact avec elle pour qu'elle soit capable, éventuellement, d'une maîtrise intégrale de son existence dans sa multidimensionnalité, c'est-à-dire autant sur le plan physique que psychique. Le plan astral, au fil du temps, s'est structuré avec des hiérarchies d'entités qui le dirigent et qui gèrent la vie des âmes après leurs incarnations sur Terre. Il est composé de différentes régions. Tout d'abord, il y a le bas plan astral qui regroupe les entités basses en vibration, comme des êtres qui ont été des criminels et des terroristes sur Terre. Ensuite, il y a le moyen plan astral qui regroupe des êtres un peu plus évolués. En terminant, il y a le haut plan astral où se trouvent des guides et des maîtres spirituels. Lorsque l'âme ne réside plus dans le corps physique après l'incarnation, elle est attirée naturellement par le plan d'énergie qui correspond à son niveau vibratoire. Souvent, elle va retrouver sur le plan astral les entités qui lui ont insufflé des pensées dans sa tête lors de son incarnation, avec lesquelles elle a entretenu consciemment ou non des liens psychiques. Plus l'âme a un niveau vibratoire qui est élevé et plus elle peut accéder et passer du temps sur une variété de plans astraux. Par exemple, un guide spirituel de haute vibration peut aller vivre pendant une période de temps dans le cadre d'une mission au bas et moyen plan astral. Toutefois, l'entité du bas plan astral ne peut pas résider au moyen et au plan astral élevé. Cela s'explique parce que l'entité du bas plan astral présente une vibration qui est trop basse pour soutenir la présence des autres âmes se trouvant sur ces plans sans vivre un état d'inconfort qui va devenir invivable pour elles à long terme. Le passage d'un niveau vibratoire à un autre par l'âme ne peut se faire que lors d'une incarnation. Donc l'âme qui se situait sur le bas plan astral pendant son passage sur Terre ne peut pas aller vivre sur le haut plan astral dans la préincarnation. C'est seulement lorsqu'elle incarne un corps physique que son niveau de conscience peut être altéré. Éventuellement, le plan astral est appelé à disparaître lorsque les âmes qui se trouvent ou qui sont présentes dans la matière, mais liées psychiquement à lui, auront accédé au plan mental, car il n'y aura alors plus d'êtres pour alimenter ce champ d'énergie qui n'aura plus d'utilité. Les êtres qui se trouvent sur le plan astral ou qui sont présents dans la matière et liés psychiquement à lui sont en quarantaine planétaire. Comme ils ont un fonctionnement psychique qui n'est pas harmonisé avec le plan mental, ils ne peuvent pas voyager ailleurs dans le cosmos car ils risqueraient de le contaminer, étant donné leur niveau d'inconscience. Par contre, lorsque l'âme en évolution sera libre du plan astral, suite à l'intégration de l'énergie de l'esprit, lors de la fusion, elle pourra voyager de nouveau dans le cosmos librement. La levée de la quarantaine de l'âme se fera sur une base individuelle plutôt que collective, donc elle ne se reproduira pas simultanément pour tous les habitants de la Terre. Plus l'être est sous l'influence du plan astral, plus il est orgueilleux et moins il est ouvert à se corriger parce qu'il vit dans la croyance qu'il a raison. Donc plus il peut être dangereux pour lui-même et les autres. Par conséquent, il peut représenter une menace pour certains êtres du cosmos. À l'image d'un prisonnier, il peut être confiné à un lieu restreint pour limiter les dégâts potentiels qu'il peut entraîner. Tous les êtres qui sont sous l'influence du plan astral sont orgueilleux parce qu'ils vivent dans l'illusion que la conscience astrale est plus grande que celle de leur esprit et de l'ordre cosmique qu'ils ont délaissé. Cette impression est véhiculée et entretenue par les êtres qui dirigent le plan astral en vue de maintenir les âmes qui s'y rattachent sous leur influence en leur procurant un faux sentiment d'être en puissance. L'orgueil qui prévaut sur ce plan d'énergie amène les êtres qui s'y trouvent à se voir automatiquement liés psychiquement à un esprit de domination que certains appellent Satan ou Lucifer. Il est une forme de virus psychique. Cet esprit est gardé en quarantaine sur Terre et sa périphérie, étant donné qu'il fait en sorte que les êtres fortement influencés par lui cherche à s'imposer aux autres êtres dans le cosmos pour étendre et propager toujours plus sa contagion psychique et ainsi englober de plus en plus d'êtres. L'esprit de domination a une soif insatiable de territoire physique et psychique. Il désire coloniser le cosmos pour éventuellement le diriger. Il y a seulement la prise de contact avec l'esprit, se rapportant à l'individu, qui peut libérer l'âme de la croyance spirituelle véhiculée par beaucoup d'entités astrales, à l'effet que le plan astral est la seule réalité qui existe sur le plan énergétique, et lui faire réaliser qu'il existe une réalité de nature vibratoire plus vaste que cette dernière, soit le plan mental. sans la possibilité pour l'âme, en processus de spiritualisation, de goûter à un niveau d'énergie autre que celui du plan astral, elle en vient souvent à croire que c'est le seul niveau énergétique qui existe dans l'invisible. Par conséquent, la prise de contact avec le plan mental est nécessaire pour son émancipation psychique. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur le plan astral.